m'avais depuis pas mal d'années et des mois de février fait lasse. Un jour j'appelle un couturier, il lui demande qu'il la refasse. Et puis je prie le couturier, refaites tout pour que tout change et que cela me porte chance. Tout est possible dans votre métier. J'ai plaisanté, mais lui il prend ma veste et sans se faire prier, tout de suite commence à travailler. Mais c'est pas vrai qu'il est marrant. Il coud la veste, il coupe les cheveux en deux, en quatre, en huit, en seize. Il veut que je me sente heureux aussi longtemps que j'ai la veste. Le pauvre bonhomme, oh qu'il se gourre en espérant que ce vêtement me fera croire à ton amour. Mais c'est pas vrai qu'il est marrant. Я много лет пиджака ношу, давно потерся и не нов он. И я зову к себе портного и перешить пиджак прошу.